Ah, mes amis, déjà, bonjour, et deuxièmement, ouh, quelle galère. Vous êtes au grand que John McEnroe a avoué s'être dopé aux stéroïdes. À l'époque, il mettait des branlées à tout le monde. Eh bien, figurez-vous que des révélations de cet acabit sont à venir dans le milieu politique. Du coup, comme vous le savez, je travaille de temps en temps comme intérimaire pour les services secrets, eh bien, on m'a demandé de mener l'enquête. Ah, comme des politiques, j'en connais un, je suis allé mener l'investigation. Et l'investigation à la Helmut, ça veut dire que j'accuse avant d'avoir les preuves, et après on voit. Ah, bonjour Albu, ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, mon bon Valérie, moi aussi. Qu'est-ce qui vous l'a dit, visite? Je vais t'expliquer, Valérie. D'abord, tu t'assieds. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Je t'attache, vieux scarabée. Je t'attache, là, sur la chaise. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la raison, vous l'avez vu? C'est ça, fais ton mariole pendant que tu peux encore. Alors, t'as pris quoi comme drogue pendant que t'étais en fonction? Albu, pour l'amour de Dieu, je vous demande... Aïe, mais vous m'avez giflé. J'ai pas fini, sale punaise. Je te donne une dernière chance. C'est quoi ta cam, espèce de vieux escobard? Ah ben, ça commence à bien faire, j'ai dit... Aïe, mais Albu, je vous remets plus. Tu vas où, bordel, je t'arrache un oeil? Oui, je mange, où ce que vous voulez. Alors Moi, je me shoot à un passif Vichy, voilà. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Albu? Merde, parce que je cherche mon marteau. Je sais plus dans quelle bosse je l'ai mis. Mais pourquoi faire un marteau? Pour te fissurer le crâne. Plaît-il? Ouais, tu te fous de ma gueule, alors je te dérouille, c'est comme ça. Ton histoire de pastille Vichy, elle va te coûter cher, le calmar. Mais enfin, vous voulez quoi, enfin? Ils me disent que je prenne du crack, de l'héros, de la coke. Fais pas le malin, t'as forcément pris quelque chose pour être immortel. Ça suffit, les conneries. Mais laissez mes habits, enfin. Ah, ma chemise. Vous avez déchiré ma chemise. Mon pantalon. Ah non, pas le pantalon. Si. Et voilà. Alors, elles sont où, ces traces de picouse? Mais puisque je vous dis que... Ah! Ah, et ça, c'est quoi, ça? Ça, ça marre de mon vaccin anti-grippe. Anti-grippe, mon cul! T'es accamé, et puis c'est tout! Mais puisque je vous jure... Je vais t'enlever une couille, le vieux! Non! Et voilà. Et j'ai dû interrompre mon interrogatoire pour cause d'évanouissement du suspect. Ah, quand il a repris connaissance, j'ai encore malmené un petit moment, hein. 19 heures plus tard, ah, j'ai eu pitié. Comme il avait toujours rien avoué, je l'ai laissé tranquille. Eh, il est résistant, le chameau. Bon, je vous laisse, je vais interroger l'abbé Pierre, maintenant. Avec le regard de fou sanguinaire qu'il a, celui-là, il va pas me faire croire qu'il prend pas des extas. Allez, en vue de la Z.